Dieu. Xbox, c'est que les meutes X. Mana Axe, les meutes. 9-4. 9-3, Robert Villiers, c'est Braque Bémé. Boum, c'est de la bombe, voilà mes matraques. Voilà mes matraques. J'ai toute tentation. C'est les meutes éliennes. J'suis tenté de shooter un chemin. Tenté de sortir un arsenal body en faire sauter la prime. Tenté de traquer les balances dans leurs abris. De faire s'exprimer les armes librement. J'suis tenté de former les jeunes. Ambiancer à fuck le système, style black rap indigène. Moi, j'suis tenté de voler les clés de fleurs et freine. Baiser la justice qui bloque mes frères ayant. J'suis tenté de buter les huissiers et leurs mères. Fais du rap de gangsta pour les banlieues de Paris. Moi la hyène, tenté par la haine du ghetto, j'ai mis de la violence dans ma salive. J'suis pas tenté pour faire les tubes qu'ils veulent faire. J'ai fait de moi un pas combat pour entailler leur chair, négro. Laisse-moi en paix, moi et ma peine. Le son du ghetto Denja, 9-4, bois la baie. C'est la rue, mec. Tu veux savoir, yeah. Ce qui nous pousse à faire du rap de Kaira, ce qui nous pousse à faire du rap de gangsta, ce qui nous pousse à faire du rap avec haine, c'est la mort du ghetto, c'est les meutes et les hyènes. Ce qui nous pousse à faire du rap de Kaira, ce qui nous pousse à faire du rap de gangsta, ce qui nous pousse à faire du rap avec haine, c'est la mort du ghetto, c'est les meutes et les hyènes. Tenter de foutre un hélico dans le comico du bois, faire sortir le frère en vidant. Barillé sur les procureurs encore, sur l'oreiller, rempli de sky dans les veines. Rentrer le Touran dans une vitrine, sur Marine Borg, à Vitrolles et les ports qu'il supporte. J'suis forcé de prendre, j'ai devancé la tentation de vendre des millions pour ma nation. Ici c'est la mer, elle a son échelle. Nage si tu veux pas finir sur la marge. La cage est évitable à tous les coups. Cherche le cash, si t'as lâché le cartable trop tôt. Y'a que les sous à gratter pour mettre bien la famille de l'aide du pays. Alors faut que tu payes vite. Quand t'es détranglé, perdu dans le triangle. On peut crever sans rien ici, en laissant trop de proches. Les poches percées, creusées, reposées dans une tombe bêtement. Donc j'persiste dans ma branche avec ceux de mes racines. Se rester à mes côtés, rester classique. Yeah. Ce qui nous pousse à faire du rap de Kaira, ce qui nous pousse à faire du rap de gangsta, ce qui nous pousse à faire du rap avec haine, c'est la mort du ghetto, c'est les meutes et les hyènes. Ce qui nous pousse à faire du rap de Kaira, ce qui nous pousse à faire du rap de gangsta, ce qui nous pousse à faire du rap avec haine, c'est la mort du ghetto, c'est les meutes et les hyènes. Si c'est le ghetto, je sens l'ambiance louche. Vu que tous les renois sont là, j'enlève la capuche. Je reste cool, ghetto tentation. La nuit comme le jour, man, j'ai des tentations. Les meutes se forment, man, c'est chaud pour la lispo. Beaucoup trop de taf pour la pestu. Tous sur le terrain, tous déterminés, tous prêts à te fumer alors doucement. Braque, reste cool, man. Dans le ghetto, je suis trop tenté de te mettre. BAM! De faire sa vie dans un monde sans tu. Mais dis-toi qui veut s'en sortir sans sort. Le sort c'est les gens qui se le portent entre eux. Sincère et mental de savoir si le sorcier existe. Du fric il en faudra toujours. La couleur du billet ne change pas, mais l'homme fait en sorte que la couleur change de trottoir. S'il y a pas de Wari chez toi, va faire un tour chez lui pour voir y'a quoi. Quoi faire s'il y a pas de thune, on est tous tentés par le cash. À retourner le cerveau d'une tasse, à la faire devenir tabata. Cash, monnaie, substance illicite pour assurer ses arrières. Un coup de pompe dans le derrière, c'est le guette de la tentation. Il faut du fric pour la nation, quitte à faire tapiner une timbre en plein cœur de la nation. Nation, tiens, accroche toi là. Tu peux, tout va bien aller, tout. Je te dis, tu vas voir, tu vas te remettre. Sénégal, ce qui nous pousse à faire du rap de Kaira, ce qui nous pousse à faire du rap de gangsta, ce qui nous pousse à faire du rap avec haine, c'est la mort du ghetto, c'est les meutes et les hyènes. Ce qui nous pousse à faire du rap de Kaira, ce qui nous pousse à faire du rap de gangsta, ce qui nous pousse à faire du rap avec haine, c'est la mort du ghetto, c'est les meutes et les hyènes. Énorme machination pour l'oseille, une grande fascination entre dans ma conspiration pour ceux qui flairent les sales coups et gèrent des machines à sous et qui risquent l'incarcération. Yo, la rue embauche que des CDI en puissance GTI. Choisis ta branche, les plus de spi sont à gauche, la coke ou la blanche. Me demande pas de choisir entre le sac à main ou la planche. Ridicule, JR sans orange. L'esprit d'un vagabond et l'âme d'un baroudeur. Yo, j'ai choisi le camp des prédateurs. Viens pas te la jouer médiateur au génocide. Pas de contrat de confiance et des contrats sur ta face. Si t'es friqué et que t'es un peu de liasse, négro, tu veux savoir ce qui nous pousse. Bah viens, négro, viens. Viens, rentre. C'est voit pas, man, c'est les meutes. Yeah. Ce qui nous pousse à faire du rap de Kaira, ce qui nous pousse à faire du rap de gangsta, ce qui nous pousse à faire du rap avec haine, c'est la mort du ghetto, c'est les meutes et les hyènes. Ce qui nous pousse à faire du rap de Kaira, ce qui nous pousse à faire du rap de gangsta, ce qui nous pousse à faire du rap avec haine, c'est la mort du ghetto, c'est les meutes et les hyènes. Ça déborde au bord de mon bloc, au bord des barreaux, mes rarotes. Tenté par les sous, on a trop la dalle, ton sac on le dérobe. Désolé, man, c'est la vie. Vis la tienne, j'vis la mienne. Merde à vue d'œil, si ça se garde, on garde un œil vivu. Tentez, vous êtes, ils sont, nous sommes, cette somme d'être, faites de nous des hommes mortels. On a le mort et on aime l'or. On a le mort et on a l'orgueil en plus. Atmosphère morbide, le beat est mort quand je pose. L'iris parfumé de morphine. Faut sortir de la matrice, comme l'a dit Morpheus. Les balles fusent dans le monde, te fais pas de bile. Si les gens perdent la boule, c'est l'argent qui les rend aigris. Ambiance grave, le ciel est gris. Ambiance grave, alors Zaya écrit. Ambiance grave, alors Zaya écrit. Putain. Pour sa gratte, cher dans les blocs. 9-4.